Et ce soir, donc, pardon, excusez-moi, je n'avais pas branché le micro. Eh oui, c'est les inconvénients du direct, vous voyez, quand on est occupé à faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc, bonsoir, comme je vous le disais, donc, bienvenue dans ce numéro qui est donc le dernier du mois de janvier. Et donc ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien, deux nouveautés. Vous allez me dire, c'est très peu, c'est vrai. Mais par contre, croyez-moi, pour le mois de février, si ça annonce très riche, j'ai pas mal de choses en attente dans ma besace, dans tous les styles. Donc je pense que vous allez être comblés ces prochaines semaines. Et puis donc, j'en ai profité du coup pour nous ressortir des petites choses un petit peu anciennes aussi, qui ont un petit peu rapport avec l'actualité, bien évidemment. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer tout de suite, saison oblige, on va faire un petit tour dans le Grand Nord. On va retrouver le groupe Skald, que je vous ai présenté la semaine dernière, enfin, je vous ai présenté le nouvel album. Groupe français, pourtant, et pourtant qui nous fait un voyage dans le temps et dans l'espace, puisque ceux-ci sont branchés légendes vikings, musique de l'époque... chanté en ancien norrois, enfin bref, vraiment retour aux sources, avec cet album qui s'appelle Hull du Folk, alors je m'excuse pour la prononciation, qui est sorti le 20 janvier, et on va se faire un morceau qui s'appelle Trollkalamik. Alors si quelqu'un sait ce que ça veut dire, eh bien je serais ravi de le savoir, hein. Vous pouvez me contacter au 02 38 43 48 00. Eh bien tout de suite, Skald avec Trollkalamik, je vous rappelle. Oh, Scald avec deux morceaux, Joe Salfur à l'instant et Trollkala Mick, pour qui ont commencé donc l'émission ce soir, donc tous deux extraits de l'album Hull du Folk, ce qui est sorti le 20 janvier dernier. On va passer à quelque chose de beaucoup plus rock maintenant. Je vais vous emmener du côté de Nice et on va se faire donc la première des deux nouveautés de la soirée. On va retrouver un groupe que vous connaissez, ce nom vous verra peut-être quelque chose. Alors c'est vrai qu'avec un nom comme ça, c'est sûr qu'on va pas parler de philosophie et littérature. Non, là on va taper dans le gras, très en dessous de la ceinture, puisque le nom du groupe c'est Balls Out. Et Balls Out viennent de nous sortir donc leur deuxième EP. Le premier était sorti, je crois, il y a de ça, deux ou trois ans. Il s'appelait Get Dirty, déjà, tout un programme. Là, il s'appelle Hot Mom. Alors, on navigue toujours entre AC/DC, Motorhead, bref. On va dire que, point de vue originalité, c'est pas tout à fait, c'est pas le groupe le plus original de la Terre, loin de là. Par contre, efficacité, ça le fait. Et on sent que les gars s'amusent, ne se prennent pas au sérieux, et ce qui est quand même le principal. Dans ce EP de 4 titres, il y a quand même un morceau qui se démarque un petit peu. Alors là, on change un peu d'atmosphère puisqu'on a l'impression d'être quelque part en Arizona, parce que ça commence plutôt en acoustique, et après on se croirait plutôt dans un album de Black Label Society. Comme quoi, il n'y a pas que du gros qui tâche, même si Black Label Society, ça fait quand même pas dans la dentelle. Eh bien, on va découvrir tout de suite ce deuxième EP avec le morceau Have a Seat on Me. Thank you. Sympa, hein, ça n'aurait vraiment pas dépareillé sur un album de Zakk Wylde, ça c'est clair. C'était donc la première nouveauté de la soirée, les Niçois de Balls Out et leur deuxième EP, volume 2, Hot Mom. Et là c'était Have a Seat on Me. Eh bien, de Nice à Toulouse, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir tout de suite, ça c'est la magie de la radio, où on va retrouver le groupe NIT et son album éponyme. Et là, ce soir, on va s'envoyer le morceau Pléthora pour se décrasser un petit peu les oreilles. Nick avec le morceau, comment qu'il s'appelait celui-là déjà, c'était Pléthora, extrait donc de l'album éponyme. Eh bien, on va continuer à voyager dans Electric Shock ce soir, puisque maintenant de Toulouse, on va faire un petit tour en Italie, où on va retrouver le groupe de métal symphonique Sleeping Romance et son excellent album We All Are Shadows, avec un morceau qui s'appelle Smoke and Mirrors, et tout d'abord la petite intro qui s'appelle Of Shadows and Men. When you feel like you're not enough. When you feel like you're gasping for air. We are all shadows. When you feel trapped in your own skin. We all are shadows. When you want to cry out. We all are shadows. When you do your best to drown your worst. When life wears you down. We all are shadows. When they look at your face but don't hear your voice. When you feel the empty hole there. We all are shadows. When you feel heartsick. We all are shadows. When you want to give up the inner fight. We all are shadows. When you say no, but they hear yes. When you feel like an empty hole. We are our shadows. When you wonder if you are still right. We all are shadows. When you are a stranger. We all are shadows. When anxiety is binding your thoughts. When you are on a guilt trip. We all are shadows. When you try but keep failing. Yeah. extrait de l'excellent album d'Edenia, Another Place, à l'instant The Other Side. Juste avant Edenia, donc c'était les Italiens de Sleeping Roman, c'est leur nouvel album Of Shadows and Men qui est leur troisième avec le morceau Smoke and Mirrors et la petite intro Of Shadows and Men. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps, nous retrouver en 2010, où Dream Theater jouait donc au Madison Square Garden, excusez du peu, en première partie de Iron Maiden. Alors ça, ce nouveau live, qui est sorti donc au mois de janvier, est extrait de la collection Official Bootleg, dont Dream Theater maintenant a ressorti donc en même temps des vieux documents, donc de l'époque de, où Mike Portnoy s'occupait donc du label It's a Jam. Majesty à l'envers, si vous n'avez pas pigé, et aussi de concerts inédits. Alors là, ce qui est un petit peu, qui est intéressant sur ce concert, c'est que c'est un tout dernier concert où Mike Portnoy officiait encore dans le groupe avant son départ assez tonitruant, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, depuis, à mon humble avis, Dream Theater n'a pas retrouvé le petit truc qui faisait que c'était un groupe un petit peu différent des autres. Mais enfin bon, toujours est-il qu'il nous délivre toujours quand même des albums de qualité et que Mike Mangini est loin d'être un manchot et fait très bien son job. Mais quelque part, le groupe, je trouve... On ronronne un petit peu, enfin voilà. D'ailleurs, si vous êtes fan de Dream Theater, le prochain official bootleg qui sortira le mois de février, ce sera les démos de l'album Distance Over Time, ce qui pourrait être intéressant de pouvoir comparer par rapport à l'album qui était sorti, je crois, en 2017. En attendant, revenons donc en 2010, où le groupe donc faisait un show restreint, première partie oblige. Et donc, il nous délivrait aussi une version d'un morceau assez rarement joué maintenant en live, c'est Constant Motion, qui est extrait à l'époque de l'album Systematic Chaos, sorti en 2007. We'll be right back. Action Stunt Motion, live enregistré donc au Madison Square Garden en 2010. Ça, c'est le titre de l'album de Dream Theater, l'official bootleg, sorti au mois de janvier. Et c'était donc Constant Motion, un morceau qui, dans sa version studio, figure sur l'album Systematic Chaos, sorti en 2007. Eh bien, 19h46 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock. Et pour ça, on va revenir à l'album des Montpelliérains de Highway, qui nous propose leur nouvel album qui s'appelle The Journey. Bon, vous le connaissez parce qu'on a déjà passé ces dernières semaines. Et pour ce nouvel album, ils nous ont choisi de nous faire un album très roots, vraiment acoustique, un album sympa à écouter vraiment au volant d'une décapotable sur une route californienne. Bon, je sais, c'est ni le moment ni l'endroit, mais enfin bon, toujours est-il qu'on peut se mettre dans ce canapé, fermer les yeux et y croire. En tout cas, la musique, elle est tout à fait crédible. Et puis, le morceau de ce soir, eh ben, ça tombe bien parce que c'est la bonne heure pour boire un coup, puisqu'il s'appelle Have a Beer. Ben, moi, ça me dit, hein, de bonne petite binouze. You never drink water, you never drink wine. The drink you think is better is the beer you take in bars. Anywhere, anytime, alone or with someone, the same world's in your mind all the time. With any flavor, stout, sour, IPA, porter, bottle on rolls, you drink beers of every brand, Lagunitas, Spaten, Beck's, Maui, Bergen, Rodenbach, Garden. Fin de la parenthèse acoustique choc. Retour à Electric Shock maintenant, enfin juste après. À l'instant, c'était donc le plus français des Australiens, Courtney, avec le morceau Carousel, qui était extrait de l'album Night Goes On For Days, qui était sorti en 2015. Eh bien, ce serait sympa qu'ils nous ressortent un nouvel album, étant donné que le dernier album, qui s'appelait Rolling, était sorti en 2018. À suivre, peut-être qu'en 2023, on aura un nouvel album de l'excellent Lex Courtney. Juste avant Courtney, bien de chez nous, puisqu'ils sont de Montpellier, ils nous viennent de sortir leur nouvel album fin 2022 qui s'intitule The Journey, qui était simplement des morceaux acoustiques. Et ce soir, c'était le morceau à votre santé, puisque ça s'intitulait Have a Beer. Eh bien, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus méchant maintenant. Après l'acoustique, on va se passer à Working Class Heroes. Et leur album No Excuse, No Remorses, leur deuxième album. Oui, j'insiste bien sur le No Remorses, sur la faute d'orthographe qui est voulue et assumée. Alors, Working Class Heroes, c'est un mélange de hardcore, de metal indus, de death mélodique, d'électro par moment. Enfin bref, c'est un joyeux bordel. Et pour ce soir, je vous ai choisi plutôt un morceau qui est à la limite du death mélodique, qui s'intitule Hurt Me Plenty. Un petit souci. Eh ouais, ça c'est les inconvénients du direct, des fois ça arrive. La platine me fait un petit caprice, elle dit qu'elle a peut-être pas envie de passer Working Class Heroes. Si, ça y est. Et non, je me suis là c'est de ma faute, je me suis trompé. Et oui, ça arrive des fois. Je vous dis, le matériel des fois est récalcitrant. On ne sait pas pourquoi, ça ne passe pas très bien. C'est des choses. On va peut-être l'avoir quand même, le Working Class Heroes quand même. êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez l'émission qui frappe et qui grille les neurones, Electric Shock, donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, on s'est décrassé un petit peu la caboche avec un extrait de l'excellent album Character de Dark Tranquility qui était sorti en 2005. C'était le morceau The New Build. Et juste avant Dark Tranquility, c'était les Fous Furieux de Working Class Heroes et leur album No Excuse, No Remorses, et le morceau de ce soir qui était Hurt Me Plenty. On va continuer maintenant dans un registre plus heavy metal classique, et pour ça on va revenir au deuxième album de Sins of Shadow, Imperium, et je vous invite à découvrir maintenant les Ordinary Men. Speaking the Heat, ça c'était un extrait de Corollarian Robotic System de Dusk of Delusion, album sorti fin octobre 2022. Et si vous vous souvenez, Dusk of Delusion, on a eu la chance de les avoir en interview téléphonique à peu près à cette époque-là, où ils nous avaient parlé donc de leur album concept, un monde dystopique, malheureusement je pense qu'on se dirige à grands pas. Juste avant Dusk of Delusion, c'était donc Sins of Shadows avec leur deuxième album Imperium et le morceau Ordinary Men qu'on a eu ce soir pour notre plus grand plaisir. Eh bien, en regardant l'actualité des concerts, j'ai vu que Epica, le groupe hollandais, allait venir à Paris présenter son nouvel album The Alchemy Project qui était sorti l'année dernière, ainsi que certainement son prédécesseur Omega, au Zénith mardi prochain en compagnie de Apocalyptica. Donc pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance pour ceux qui auraient envie d'y aller, on va se faire un petit bond dans le temps, on va se retrouver en 2009 à Miskolc en Hongrie, où Epica avait enregistré un concert un peu particulier puisqu'il y avait une partie avec un orchestre symphonique et une partie où le groupe a joué de façon classique. Et là on va se faire un de leurs classiques, extrait de l'album The Divine Conspiracy sorti en 2007, c'est Living a Lie. for a Kill, c'était Tarja Turunen, donc l'ancienne chanteuse de Nightwish, extrait donc de son premier album Live Act One, sorti oui, en 2012, c'était In for a Kill, un de ses classiques, extrait de l'album What Life Beneath, et Tarja sera en concert donc lundi à La Cigale à Paris. Et si vous aimez le métal symphonique, bah, il est à l'œuvre en ce moment, puisque Epica, par contre, sera en concert au Zénith à Paris le mardi prochain. Ça veut dire que si vous y allez, bah, vous pouvez pas écouter Electric Shock. Bon, bah, c'est pas grave, on peut pas être partout. Donc, vous avez eu Living a Lie, extrait de l'album The Classical Conspiracy, extrait sorti en 2009. Voilà. On va rester toujours en live avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec dans la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais Thin Lizzy. Donc Thin Lizzy, enfin les ayants droit du moins, ont sorti le fameux coffret de Live and Dangerous. Si vous connaissez le groupe, vous savez que ce live est vraiment mythique, était absolument indispensable. Et ce live a été conçu à partir de 7 concerts différents. Et là, ce coffret qui vient de sortir, là, pour les 45 ans, donc, de la sortie de ce live mythique, regroupe donc les 7 concerts dans leur intégralité, ou au moins quasi intégralité, parce que comme c'est marqué sur le livret intérieur, il y a des morceaux qui ne figurent pas pour des raisons techniques. Apparemment, il y a eu des problèmes pendant l'enregistrement. Donc, tous les concerts ne sont pas complets, malheureusement. Alors, ce qui peut être intéressant, effectivement, même si c'est quelque peu redondant, c'est de voir si le groupe joue toujours de la même façon. Mais bon, à l'époque, Thin Lizzy était une machine super bien réglée, et on était loin quand même des digressions que pouvaient faire Deep Purple ou Led Zeppelin en concert. Donc, ça nous donnait quand même des shows ultra calibrés, qui, en fait, je veux pas dire n'apportent pas grand-chose, ce n'est pas vrai, mais en fin de compte, il n'y a pas d'énormes différences d'un concert à l'autre. Et c'est vrai que bon, par contre, le Live and Dangerous, comme ce qui est intéressant dans ce coffret aussi, c'est que non seulement vous avez donc ces concerts-là, mais en plus vous avez tout un livret à l'intérieur d'une quarantaine de pages avec plein de photos inédites et aussi ce qui nous raconte la genèse de l'album. En fin de compte, Thin Lizzy voulait pas spécialement sortir un album live, mais il voulait à tout prix retravailler avec le producteur de Bad Reputation, Tony Visconti. Mais celui-ci n'avait pas le temps, vu son emploi du temps hyper chargé, de s'occuper d'un album studio. Donc il leur a proposé de mixer un live, tout simplement. Ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'en réécoutant les bandes, eh bien, Phil Lynott a dit, oh, tiens, là, il y a une fausse note, est-ce que je pourrais la rejouer? Et donc, voilà, il l'a rejouée. Ah, oh, la partie de basse, là, je pourrais mieux la refaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, en fait, compte, chaque musicien s'en est mêlé, apparemment, à part Brandon. Et du coup, il y a beaucoup d'overdubs, même si tout le monde, les musiciens disaient, oh, oui, enfin, bon, c'était juste histoire de corriger le truc. Enfin, bon, si vous êtes musicien, je comprends effectivement que lorsqu'on entend un truc qui sonne pas tout à fait correct, ça hérisse le poil. Mais enfin, bon, c'est le concept du live. Enfin, toujours est-il que malgré tous ces overdubs, ce live reste toujours quand même une référence. Et ce qui est le plus important, c'est l'ambiance que pouvait avoir un concert de Thin Lizzy. Ça, c'est restitué vraiment du feu de Dieu. Donc, ce coffret contient donc les concerts de Londres de l'Hammersmith du 14 au 16 novembre 76. Deux concerts enregistrés aussi à Philadelphie sur la tournée d'après en 77. En avril 77, un autre concert d'une autre ville américaine, je sais plus où, toujours en avril 77, et un concert de mars 78 également. Donc pour ce soir, j'ai médité, on va faire un petit tour le 14 novembre 76, et on va se faire une petite doublette avec deux morceaux qui, pour raison XY, ne figurent pas sur l'album live, justement, pour que ça soit plus intéressant. C'est le morceau Johnny qui figurait sur Johnny the Fox meets Jimmy the Weed, donc en live, Thin Lizzy. Somewhere on the waterfront, Johnny's sulle mani. À l'instant, It's Only Money, à l'origine un morceau qui figurait sur l'album Nightlife de 1974, et Johnny qui lui figurait sur l'album Johnny the Fox meets Jimmy the Weed, sorti en 1977. Et ça, c'est extrait donc du coffret Live and Dangerous, et ça a été enregistré à Londres, à l'Hammersmith Odeon, le 14 novembre 1976, pour tous les archivistes. On va passer maintenant faire un petit tour du côté de Montpellier, retrouver Justine Blue, cette chanteuse rock, jazz, soul, blues, qui nous a sorti un excellent premier album intitulé True. Et ce soir, on va se régaler avec le Gold in Our Hands. across oceans that nobody's ever seen and no one has ever heard about you. You saved nations and made their grass green and no one has ever asked about you. Dear starlight, don't question yourself. There's someone being grateful tonight. Keep running when you reach in the shell. Look back and your path seems right. You climb mountains all over the air and no one has ever heard about you. You raise children and make people smile and no one has ever asked about you. Dear starlight, don't question yourself. There's someone being grateful tonight. Keep running when you reach in the shell. Look back and your path seems right. Change the course now or ask yourself why. No one has ever been there for you. Rechain the pieces of your painting in the sky. This song here is a prayer for you. Dear starlight, don't question yourself. There's someone being grateful tonight. Keep running when you reach in the shell. Look back and your path seems right. We're tied up pieces in the air. We like to reach out and prepare. We're tied up pieces in the air. We like to reach out and prepare. Crossed oceans that nobody's ever seen and no one has ever heard about you. You chased nations and made their grass green and no one has ever asked about you. Dear starlight, don't question yourself. There's someone being grateful tonight. Keep running when you reach in the shell. Look back and your path seems right. Avec Dear Starlight, un extrait de son dernier album Dreamboat Jane, sorti l'année dernière, et Gunwood qui nous a délivré un concert vraiment somptueux vendredi soir à la salle L'Unisson à Saint-Jean-de-l'Arvel. Juste avant Gunwood, c'était Justin Blue et son premier album True, et c'était Gold in Our Hands. Eh bien, on va continuer maintenant avec du Furieux, dont on vous est passé il y a quelques temps déjà, mais un bon petit moment qu'on n'est pas diffusé. C'est un des bootlegs official de Def. Qui est donc cet été, les ayants droit du regretté Chuck Schuldiner ont sorti 4 lives du légendaire groupe Def. Un de 88, un de 90, un de 91 et un de 95. Je dois avouer que je m'attendais vraiment à des choses enregistrées en table de mixage, enregistrement professionnel, mais non, là c'est vraiment du bootleg de base. Mais bon, si vous collectionnez des bootlegs, si vous savez ce que c'est, vous allez me dire, c'est vrai que la qualité sonore n'est pas toujours là, mais l'important c'est ailleurs, c'est le document, c'est ce que ça représente, et effectivement, c'est le cas de ces bootlegs là qui nous sont sortis. Alors c'est vrai que les bootlegs, on peut en penser beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous invite à jeter un œil sur l'excellent article qui figure dans le Rockart de ce mois-ci pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que c'est. Et donc, certains artistes, par contre, ne détestent pas ça, bien au contraire. Par exemple, vous prenez Frank Zappa, qui, avant son décès déjà, s'est arrangé pour officialiser tout ce qu'il y avait. Il faut dire qu'il y avait comme une tripotée de live concernant cet artiste. Les Rolling Stones, apparemment, ils s'en foutent. Par contre, je sais que quelqu'un comme Bruce Springsteen n'aime pas trop ça. Enfin, quelque part, quand on voit le tirage de ces opus, c'est un petit peu limite. Ça ajoute à la légende de l'artiste et puis c'est tout. Donc pour ce soir, Def, finalement, les ayants droit ont décidé d'officialiser des bandes enregistrées donc par des fans lors d'un concert, de différents concerts. Là, je nous ai choisi un extrait d'un concert enregistré à Tijuana le 6 octobre 90. Pourquoi ce concert ? Eh bien, parce que c'est peut-être celui qui a le meilleur son, enfin on va dire le son le moins mauvais de cette série. Allez, on va se faire deux classiques. Tout d'abord, Zombie Ritual. Yeah. Left to Die et Zombie Ritual. Voilà, donc c'était donc les deux derniers morceaux d'Electric Shock. Ça, c'était Def, extrait donc de l'official bootleg Non-Analog On Stage Series Tijuana, 6 octobre 1990. Voilà, donc c'est fini pour Electric Shock ce soir. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien éclaté. Comme toutes les semaines d'ailleurs, bah j'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine, où j'aurai un peu plus de nouveautés, comme je vous le disais tout début d'émission. J'ai pas mal de choses dans ma besace là pour le mois qui vient, donc restez à l'écoute. D'ici là, bah, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, et moi je vous dis à mardi. Salut à tous. Foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Previsão do tempo para amanhã.